La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de votre magasin Ferlac, qui est maintenant dépositaire de la marque Ecotone. Surveillez nos différents circulaires pour voir les différents spéciaux dans les articles de pêche, de chasse, ainsi que le plein air. Le magasin Ferlac, au 727 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-3919. On va parler avec Claude Roy de pêche. Salut Claude! Bonjour. Claude, avant, je veux continuer à parler de politique un petit peu avec toi parce que ça touche un peu le sport. C'est Enrico Ciccone qui a confirmé qu'il allait se présenter dans Marquette, une circonscription libérale. On dit qu'elle est très, très. On dit que c'est quand même une circonscription qui est sûre pour le Parti libéral. Qu'est-ce que tu trouves de ça? Moi, je rirais tellement s'il perdrait, là, parce que quelque part, moi, c'est son magasinage de parti, moi, qui m'écœure le plus là-dedans. Bien, c'est-à-dire que toutes les nouvelles vedettes, tout ce qu'on a vu comme nouvelles vedettes, il faut se rappeler que Barrette était à la CAQ avant. Oui, ouais, c'est sûr. Hein? C'est Barrette était là. Donc, il y a des gens qui changent de parti parce que ce sont des opportunistes politiques. Ouais, ouais. Ce sont des gens qui cherchent un job avant et après. Donc, puis en plus, ce sont des gens qui aiment énormément se faire valoir et avoir l'impression d'avoir du pouvoir. Mm. Et même si Ciccone rentre, de toute façon, les libéraux ne rentreront pas. Donc, Ciccone va devenir un no-name d'arrière-ban qui dira rien parce qu'il n'y a rien à dire. Mm. Je dis pas que tous les joueurs de hockey sont incultes. Je dis simplement que on n'a pas les gens qui ont la plus grande verve, même si lui, à la télévision, passait bien. Mm. Il reste que s'ils sont allés le chercher pour faire des entrevues médiatiques, ils vont manquer leur coup. Ça, c'est bien évident. Il va finir par se fourvoyer parce qu'il connaît rien en politique. Et on l'a mis là, dans un comté où l'homme en place était là depuis 24 ans, était respecté par ses concitoyens, faisait un job à l'Assemblée nationale qui était extraordinaire parce que moi, je l'ai bien connu comme député et comme confrère de travail. Et même si on est des partis en opposition un contre l'autre, on sait reconnaître la valeur d'un homme qui est travaillant, qui travaille pour son comté et qui travaille pour la province de Québec. Mm. C'était un fidèle et un loyal au Parti libéral et on lui a joué le plus grand coup de cochon qu'on n'aurait pas pu faire. Mm. C'est, on enlève Patrick Roy de début en finale de la Coupe Stanley alors qu'on gagne 6-1, ouais. On décide d'enlever Patrick Roy pour pas que ce soit lui qui soit d'un but au moment où on va gagner la Coupe Stanley. Tu comprends? C'est exactement le même principe. Ah non, pis donc, par contre, les gens de Marquette vont s'en rappeler. Et hier, dans les entrevues qu'on voyait avec les gens de Marquette, il y en a beaucoup qui vont dire « Ben non, c'est bonne valeur, je donnerai plus mon vote au Parti libéral. » Puis comme l'association du comté va démissionner en bloc pour soutenir M. Ouimet, ben, Ciccone va se ramasser tout seul à refaire un exécutif, et ça veut pas dire que les libéraux vont rentrer comme une balle. Ben, c'était ça que je voulais dire. D'accord. Je serais content, moi aussi, qu'il gagne pas. C'est ça que je voulais dire. Penses-tu vraiment qu'on dit que c'est une circonscription sûre, mais, écoute, je l'ai connu, on était au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean, c'était PQ. Le principe, on envoyait une vache, puis elle passait, PQ. C'est ça. Est-ce que Marquette, ça pourrait quand même, étant donné que la CAQ ressemble beaucoup au Parti libéral, là, est-ce que là, les gens puis se sont fait avoir, penses-tu que les gens pourraient se tourner vers la CAQ? D'après moi, tu vas avoir une partie de la population qui va se virer de bord puis vont s'en aller ailleurs. C'est sûr qu'ils peuvent pas s'en aller ailleurs qu'à la CAQ. Ce ne sera pas des gens qui vont virer de bord pour s'en aller au PQ. Il peut y avoir cet effet-là du fait de la trahison, parce que c'est vraiment une grande trahison. Et en plus, c'est encore plus vrai quand tu écoutes Couillard parler et dire « j'ai jamais manqué à ma parole », alors que depuis qu'il est là, il nous ment à tour de bras. Mm. C'est toujours les amis. Écoute, cette semaine, on a vu qu'il a encore donné de l'argent à Taillefer pour ses médias. C'est le président du comté, on est en pleine... c'est le président du parti, on est en pleine campagne électorale, puis il ose aller donner de l'argent encore à Taillefer pour soutenir ses médias. Mm. C'est scandaleux ce que Couillard fait. Il nous dit ça avec le plus grand sourire et la plus grande déférence, toujours très, très, très stoïque dans ses commentaires, comme un grand médecin en contrôle de son cerveau, parce que c'est un neurochirurgien, donc il est en contrôle, mais il nous prend vraiment pour des valises. Et c'est ça que j'ai écrit dernièrement sur Facebook. Allez-vous croire tous ces gens-là? Allez-vous arrêter de croire à ces gens-là? Ça n'a aucun sens. Écoute, comme tu disais, là, les vaches qui votent régulièrement pour le PQ ou les cochons qui vont voter uniquement pour les rouges, là. Mm. T'as dit, on mettait, nous autres, on disait à Montmagny, tu mets un ruban rouge autour d'une boîte à mal, t'es sûr d'avoir le vote. Ben ouais. Ils vont voter pour la boîte à mal. C'est pareil, là. Je trouve ça bizarre, mais je trouve ça vraiment scandaleux, ce qui a été fait cette semaine. À deux, trois dossiers, donc les contributions aux différents médias qui sont toutes contrôlées par les Desmarais de ce monde et les grands journaux. Un gars comme Taillefer qui est monsieur Sansu des octrois gouvernementaux, puis le président du parti. Puis en plus, Alain Couillard allait faire ça avec son député dans Marquette. C'est vraiment une très mauvaise semaine pour les libéraux. Je pense qu'ils vont en avoir d'autres même. Puis pas Jane, pas à toutes. Mais Claude, parce qu'on n'est pas une situation politique, mais quand même, on va terminer là-dessus, puis après ça, on va parler de pêche. Moi, ce qui m'écœure le plus, c'est comment, en tant que libéral, en tant que média, tu peux aller critiquer par la suite le parti au pouvoir. C'est carrément... Ouais. La démocratie, on dit le troisième pouvoir, c'est le quatrième pouvoir qu'on dit, là. Quatrième pouvoir dans des pays, où ce qu'on dit communiste, ben, souvent les médias sont achetés, puis ça ressemble pas mal à ça, ben, là. Ben, nous autres, on est exactement comme ça. On sait qu'on a des médias de propagande. Ouais. On sait qu'on a un poste de télévision de propagande. On sait déjà d'avance pour qui ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont aider. On sait exactement où les gens se campent à gauche. On n'a pas besoin d'aller loin quand on dit sur le plateau de Montréal, c'est gauchiste, caviar, épouvantable. On regarde des émissions, comme tout le monde en parle, on sait très bien que c'est péquiste, puis du moment qu'il invite quelqu'un d'autre, là, c'est pas le planté. Je me rappellerai de l'épisode de Mario Dumont, avec le tableau où il avait demandé à Mario Dumont de mettre ses livres sur le tableau. Ils ont jamais fait ça avec un péquiste après. Mm. On le sait qu'on est contrôlé par la presse, mais comme on le sait, pourquoi on réagit pas? Mm. Pourquoi on vote pas autrement? Pourquoi on fait pas mentir la presse? Mm. C'est ça que je me demande. Mais, en tout cas, je trouve ça... Le pire, c'est que les gens s'en rendent pas compte. Moi, puis Claude, t'es dans les médias aussi, tu sais, Claude, sauf que... Tu sais comment être la manière qu'ils s'y prennent aussi, c'est très subliminal, puis c'est très, très sournois. Hein. Il faut vraiment être dans les médias pour savoir comment ils s'y prennent. Puis les gens sont endormis. Moi, je regarde les gens avec qui je travaille, non pas qu'ils sont endormis dans leur vie, mais politiquement, ils sont super endormis, ils sont nonchalants, ils connaissent rien, ils veulent rien savoir, ils veulent pas apprendre. Eux autres, ils votent, on va voter contre, on sait pas pour qui voter, fait qu'on va voter contre quelque chose, contre un principe ou contre un parti, mais on peut pas voter pour quelque chose parce qu'on le connaît pas ce qu'on va voter. Claude, est comme ça. Il y a eu un sondage qui a été fait à Québec, voilà 2 ans. 10% des gens savent même pas c'est qui Régis Labeaume. 10% des gens, 10, c'est beaucoup, là, 1 sur 10, la boum est des médias à semaine longue. Puis les gens ne savent pas, ça te démontre comment qu'on n'est pas politique. Hey, Claude, on va se parler de pêche. Tu voulais parler de la fin de Absolument. La pêche. Ouais, tu voulais parler de la fin de la pêche. Ben, t'as dit que la fin de la pêche, on s'en approche. Il nous reste 2 semaines en août. Après ça va être la fin du travail, puis ça va être la fin de la truite mouchetée. Qu'est-ce qui se passe, certains ici? C'est que les poissons commencent à se regrouper pour, bien sûr, la période de frais. Mais la période de frais, elle se déplace depuis quelques années parce que, justement, on a non pas le phénomène de réchauffement climatique, mais on a la période de chaleur qui s'étire vers le mois de septembre, le mois d'octobre, alors que, bien des fois, à la fin de septembre, il y a quelques années, l'eau tombait, justement, en bas de 50 degrés, 48 degrés, qui est la meilleure température d'eau pour la reproduction de la truite mouchetée. Oui. Donc, là, maintenant, les ruisseaux et les rivières sont encore chaudes. Et le poisson réagit pas encore en fonction de la fraîche. Sauf que, dans son esprit de poisson, il sait qu'il s'en approche, donc il va commencer à s'approcher des entrées d'eau, parce que il ne fraiera pas dans une sortie d'eau, il va frayer dans une entrée d'eau. Donc, il va s'approcher de là. Donc, quelqu'un qui dit, je veux me trouver du poisson, je veux trouver mon poisson, ben, rapprochez-vous, trouvez vos entrées d'eau partout sur les lacs, trouvez les endroits où il y a une entrée d'eau, et le poisson, le soir, va s'en venir là pour venir s'alimenter de tout ce qui peut sortir de la rivière, puis il va se regrouper pour être capable de monter après, s'engager dans la rivière pour aller en période de frais. Mais là, la période de frais, encore une fois, elle va se faire uniquement quand l'eau va descendre à 48 degrés, donc il va falloir qu'il commence à avoir des gels au sol, puis si on les aura pas, on s'attend un mois de septembre qui va être encore très chaud, et probablement un début d'octobre qui va être chaud, ce qui va être dramatique, puis ça, on va commencer à en parler pour la période de chasse dans les prochaines émissions, j'espère. Mais au niveau de la pêche, rapprochez-vous de vos entrées d'eau. c'est là que le poisson est en train de se positionner. Sauf que là, il va devenir très limoneux. Donc, à cette période-ci de l'année, puis à la fin du travail, on se rend compte que le poisson se fait un limon. Pourquoi il se fait un limon? C'est que quand il a besoin de monter en rivière, il va se frotter contre les roches, et comme avec le courant, bien, il se propulse avec les roches pour être capable de monter, parce que juste la force physique va lui manquer. Donc, ce limon-là lui permet de glisser entre les roches et d'être capable de monter plus haut dans les rivières pour aller à son endroit. Donc, le limon n'est pas dommageable. C'est sûr que quand vous allez prendre vos poissons, vous allez devoir les laver plus abondamment parce que le limon va rester sur la peau, mais ça rendra pas le goût du poisson différent. Et la possibilité, quand vous avez une truite et quand vous tombez sur une truite que vous reconnaissez, je dis pas physiquement femelle et mâle, mais on les reconnaît quand même assez facilement, ben dites-vous qu'elle est pleine d'œufs à l'heure actuelle. Donc cette truite-là vous donnerait dans votre rivière 500 truites viables. Donc il y a 50 000 œufs qui vont sortir d'une truite, puis il va avoir 500 truites de viables. Donc à toutes les fois qu'on prend un poisson, dites-vous que vous sortez 500 poissons. Ça, c'est au moins un phénomène à essayer de contrôler, parce que si on veut aider notre lac ou notre rivière pour les prochaines saisons, on se doit de faire attention à ça. Et faites attention toujours à votre remise à l'eau. Une truite qui saigne, malheureusement, elle va mourir. Une truite, ça vient au bout de son sang. Donc, c'est vraiment à faire attention. Quand vous faites votre remise à l'eau, si vous êtes pour en faire, faites-le de façon consciente parce que votre truite ne survivra pas. OK. Tout, on s'en parle la semaine prochaine. Puis, bonne pêche en fin de semaine. On va digérer la politique, mais on s'en parle vendredi prochain. Merci beaucoup. Voilà, Claude Roy, la spécialiste de pêche.